Donc on va commencer avec un peu de cinéma. Oui. Si je ne m'abuse. Et une séance de rattrapage, 99 francs. Bon. Et avant de se lancer dans le cœur de la critique, je vous propose une petite mise en bouche, un petit teasing. Je le prénomme Octave. Je ne suis pas un gentil garçon. Tu es en bad. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi. J'ai passé ma vie à vous manipuler contre 75 000 francs par mois. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Chanel, Eurostar, Barilla, Madonna. Vous êtes prêts pour la présentation chez Madonna, ça prend un... Ouais, tranquille, on tient un truc, quoi. Tu rêves ? Quoi, merde ? On est des marchands de rêve, putain ! Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune. Châtain ? Brune. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un, maintenant. Puisque je vous ai tout dit. C'est génial. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. 99 francs. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Ça donne envie. Ouais, c'était donc le teaser de 99 francs, comme je vous le disais, qui annonce plutôt bien la couleur et qui est, me semble-t-il, assez fidèle à l'esprit du film. Film donc réalisé par Jan Koonen, réalisateur français d'origine hollandaise qui a 43 ans maintenant et qui se fait connaître globalement depuis le tout début des années 90. Tout d'abord avec toute une série de courts-métrages assez bien déjantés. Les connaisseurs se souviendront peut-être de Gisèle Kérosène, Vibro Boy, Capitaine X ou Le Dernier Chaperon Rouge qui était un moyen-métrage. Il a également réalisé une comédie musicale avec Elmer Footbeat, tout ça ne rajeunit pas, qui s'intitule L'âge de plastique. Et d'ailleurs, il a également pas mal travaillé dans le domaine du clip vidéo. On lui doit justement quelques clips de Elmer Footbeat, genre Le Plastique c'est Fantastique ou Daniela. Hein, oh, Daniela. On lui doit aussi quelques clips d'Air Azur dans un tout autre registre. Ah, oui. Un clip aussi pour Pauline Esther, faut bien manger. Et puis aussi un clip pour Assassin, donc groupe français de rap plutôt engagé. Et puis, il est passé au long métrage en réalisant Doberman, film français qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci dans les rôles principaux. Film très très violent. Un peu point dans la gueule même. Ouais, carrément. Adapté d'une série de bouquins, de romans populaires au Fleuve Noir par Joël Houssin, donc auteur de polar et de science-fiction français. Plutôt connu dans le milieu. Et puis après, Jan Koonen, on n'a plus entendu parler de lui pendant un moment, et il a ressurgi avec une adaptation de Blueberry, donc la BD culte de Jean Giraud, mais qui était une espèce de fausse adaptation ou de délire un peu New Age, psychédélique, sur le thème de Blueberry, qui finalement était plus du côté de Mobius que de Giraud. Un trip assez particulier. Les fans de Blueberry n'y ont évidemment rien compris, ont crié à la trahison. Et même si le film est loin d'être chef-d'œuvre, il y avait des moments plutôt intéressants et plutôt complètement barrés pour une production de cette ampleur. C'était vraiment une espèce d'accident industriel à l'échelle de l'industrie du cinéma français. Un blockbuster aussi bizarre, c'est pas tous les jours qu'on en voit. C'est un peu comme si le lieutenant Blueberry s'était mis au LSD subitement. Voilà. D'ailleurs, d'une certaine manière, oui, finalement, c'est un peu ça. Et suite à cette expérience, puisque finalement, Jan Koonen, on s'en apercevra, a vécu de vraies expériences spirituelles en Amérique du Sud. Il a rencontré des chamans, s'est imprégné de toute cette culture et en a réalisé d'ailleurs plusieurs documentaires. Et suite à tout ce cheminement, où il faut bien le dire, Blueberry a été un gros ratage, un gros échec, en tout cas au niveau commercial. 99 francs a été un travail de commande. C'est donc un producteur qui a proposé à Jan Koonen de s'attaquer à cette adaptation du livre de Frédéric Becbédé, qui est un ex-publiciste, tout comme Jan Koonen d'ailleurs, qui a travaillé dans la pub, qui a réalisé plusieurs pubs. Cette adaptation à la base a été scénarisée par Nicolas et Bruno, duo français à qui l'on doit les fameux messages à caractère informatique qui passaient à caractère informatif, pardon, qui passaient sur Canal. Excellent, ça. excellent. Si vous savez vous procurer le DVD, ou je suis sûr qu'il y en a sur YouTube, ce genre de site, c'est vraiment excellent. Donc, détournement de films d'entreprise avec des nouveaux doublages complètement au second degré. Et on leur doit aussi l'adaptation française de la série anglaise The Office. Donc, avec ce comédien français qu'on voit partout, là, qui joue toujours les seconds rôles de méchants et gentils, de flics. Jusque-là, c'est vaste. Des acteurs fétiches de celui qui a fait Ne le dit à personne. Enfin, j'oublie les noms ce soir, c'est une horreur. Guillaume Canet. Voilà. C'est qui a fait. Et voilà, son acteur fétiche qui jouait le rôle principal dans le premier film de Guillaume Canet qu'on voit partout. Je ne retombe pas sur son nom, c'est pas grave. Bref, de toute façon. Celui qui a écrit un livre aussi. Voilà. Le fils de l'homme invisible. Voilà. C'est donc le message à caractère informatif. Ah, bonjour Bernard Chabat. Dis donc, qu'est-ce que ton look est super. Merci. J'étais appelée parce que j'ai encore un problème d'ordinateur qui bug quand j'appuie. Bonjour. Bonjour. Eh ben ça tombe bien. Oui. On est là pour ça. Ah. J'adore les messages à caractère informatif. Donc, fameux duo Nicolas et Bruno qui a fait le scénario. Scénario qui a été très fort, apparemment retravaillé par Kounen, qui a dû beaucoup élaguer et synthétiser, et qui évidemment a apporté sa propre expérience et son propre regard de réalisateur qui a travaillé dans la publicité. Pour aboutir à quel pitch ? Eh bien, celui que vous avez pu entendre dans le teaser, c'est l'histoire d'Octave, incarné par Jean Dujardin, qui est un créatif dans la pub, et on va suivre son parcours, le parcours d'un mec qui se décrit lui-même, comme vous l'avez entendu, comme une merde, dans un monde de la pub, forcément, qui est ultra branché, ultra friqué, ultra blasé, et ultra cocaïné aussi. On assiste à ses victoires professionnelles, à ses déboires aussi professionnels, sentimentaux, à ces questionnements existentiels, et ça va nous permettre de découvrir tous les rouages du système à travers une campagne de pub qu'il mène, campagne de pub pour un yaourt, un produit glamour au combien. C'est très glamour le yaourt. Très très glamour. Sur quel mode donc ce film, ce pitch a-t-il été servi ? Bah, les références avouées de Kounen, mais aussi de Beck Bédé, qui a été très fort impliqué, qui a joué le rôle d'une sorte de directeur artistique, de coordinateur, il avait un droit de regard sur tout. Les références avouées sont Fight Club. D'ailleurs, Kounen, dans le dossier de presse, dit en rigolant que 99 France a un peu le Fight Club du yaourt. Donc, en même temps, c'est une référence à ils mettent la barre assez haut, mais en même temps, ils relativisent un petit peu. Et puis, on a droit aussi à des références avouées, revendiquées de Trainspotting ou Requiem for a Dream. Et puis, des classiques de Kubrick comme Orange Mécanique, ou encore, du côté visuel, beaucoup de références à Ridley Scott, qui a été un grand faiseur de pub devant l'éternel dans les années 80. C'est lui notamment qui a signé ce message publicitaire qui est devenu mythique depuis, qui est la fameuse publicité 1984 de Apple, la première publicité pour le Mac. Voilà, on la voit dans le film d'ailleurs. Voilà, absolument. Et l'attention de Kounen, sa note d'attention, il annonce clairement, c'est faire un film sur notre monde, sur la société de consommation, un film enlevé et corrosif sur le monde de la pub. Alors, est-ce que ce film est à la hauteur de ses ambitions ? La réponse, c'est oui et non, mon capitaine. Alors oui, parce que clairement, le film détonne dans le paysage cinématographique français. On ne le rappellera jamais assez quand on parle ici de films français. C'est pas du tout qu'on veut faire les anti-snobs ou les anti-intellectuels, mais le paysage cinématographique français est très malade. On a vraiment une espèce de schizophrénie qui s'est illustrée au dernier César, avec d'un côté des productions très très populaires, très très commerciales, qui n'ont pas toujours une grande ambition artistique, une grande honnêteté, et puis de l'autre des films d'auteurs hyper pointus qui n'ont pas spécialement la volonté de s'adresser au plus grand nombre, donc une situation complètement schizophrénique. Et 99 francs d'une certaine manière réconcilie ces deux tendances, et visuellement, conceptuellement, est un énorme coup de pied dans la fourmilière, et il détonne, en tout cas c'est l'attention qu'il a, il détonne à tel point que, et c'est très très rare pour un film d'une telle ampleur, qu'il n'a pas été coproduit par les grandes chaînes de télévision. Seuls Canal+ et Arte ont mis des sous dedans, et d'une certaine manière, c'est assez logique. On imagine plutôt mal TF1 financer une œuvre qui dénonce les agissements de ses généreux bienfaiteurs. Si ça se vend bien, ça les dérangerait pas tant que ça, je suis sûr. Voilà, c'est ça. Surtout qu'en même temps, les anciens boss de TF1 avaient clairement déclaré, ils se cachaient pas du tout devant du temps de cerveau disponible. Oui, hein. Ce qui, dans le fond, n'a rien de scandaleux, puisque c'est le principe même du fonctionnement des médias de masse, c'est de vendre un auditoire à des annonceurs publicitaires. C'est comme ça que c'est financé. Donc finalement, ça aurait pu se faire, pourquoi pas, mais c'est peut-être symptomatique aussi d'un certain état d'esprit du fonctionnement de la production du cinéma en France. Et puis, oui, encore, c'est une réussite, parce que ce film est joyeusement cynique, il est complètement déjanté. Visuellement, il est très généreux, on s'en prend plein les yeux. On est carrément très loin, même si c'est plutôt une comédie. On est à des années-lumière des comédies franchouillardes, old school, genre théâtre filmé de Francis Weber, avec Daniel Auteuil ou Thierry Lhermitte. On est vraiment très très loin de ça, avec tout le respect que j'ai pour ces acteurs-là. Non, ce n'est pas une réussite, parce que le film est loin d'être parfait, parce que on est très très loin d'une critique radicale de la société de consommation, qui tape là où ça fait vraiment mal. Et puis aussi non, parce que la provoque à base de drogue, de cul et de cynisme. Bon, globalement, ça choque nos grand-mères, et encore. Oui. Et encore. Moi, j'ai une grand-mère très ouverte. Et puis, non, ce n'est pas tout à fait non plus une réussite à cause d'un truc, c'est que si on s'en prend plein les yeux, parfois, c'est pas du meilleur goût, parce qu'il me semble que tous les effets spéciaux qui émaillent le film et tout le design autour du monde de la pub, tout l'habillage, m'a semblé globalement moche, genre un peu French Touch, image de sa thèse French Touch, pas très voyante, plutôt du côté de Pitoff que de Caro et Jeunet, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que, assez étonnant, quand on va regarder dans les crédits du film, l'illustrateur et dessinateur BD Beb Deum a bossé sur le design du film, qui est plutôt un gars qui a un sacré talent, qui fait des BD très intéressantes, au graphisme vraiment accrocheur. Et puis, oui et non, ce film est une réussite, parce que le coup de l'ironie et de la complicité avec le spectateur, c'est vrai que c'est facile, mais en même temps, ça fait tellement plaisir. C'est tellement jouissif. Et puis utiliser les procédés de la publicité pour démonter les mécanismes même de la publicité, c'est vrai que c'est un peu facile, hein. C'est comme Oliver Stone qui dénonce la violence en utilisant la violence. Oui, ou qui dénonce la manipulation des masses en manipulant les masses, comme Fincher le fait également. Mais rien à dire, au final c'est quand même assez plaisant et jouissif, même si ça vole pas très haut. Et c'est peut-être un des gros soucis du film, c'est que ça ne vole pas très haut, justement, sur le fond. Le propos du film n'est pas des plus profonds. Il nous rappelle à quel point la société de consommation utilise la propagande et toutes ses méthodes, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, pour faire de nous de dociles consommateurs, en nous prenant gentiment, et parfois beaucoup moins gentiment, pour des cons, et en pratiquant le nivellement par le bas, et la médiocrité comme critère principal. On est donc en terrain connu, hein, c'est pas une critique nouvelle, surtout si on a tant soit peu averti, intéressé par ce genre de problématique. Mais en même temps, vous avez vu le teaser, vous avez vu qui est l'acteur principal. Je crois qu'ils l'ont entendu. Ouais, vous l'avez entendu, ouais. Mais peut-être même vu sur Internet ou à la télé. L'acteur principal, c'est Jean Dujardin, comme je le disais. Donc, un public moins averti ou plus jeune va peut-être découvrir ce genre de questionnement et ce genre de critique. Et ça peut être finalement une bonne chose. Au fond, cette critique qui a l'air un peu superficielle de la société de consommation, de surconsommation, c'est peut-être pas non plus finalement le principal propos du film. Ça ne se veut pas une déconstruction en bonne et due forme. C'est peut-être tout simplement et plus modestement un appel à la lucidité, au décryptage, un appel à essayer de décontaminer notre imaginaire et nos désirs qui sont pollués par la publicité. Et on sait à quel point c'est difficile de se dégager de ça. Et comme je vous le disais, c'est une comédie déjantée, cynique, mais finalement, au bout du compte, pour un film qui fait 2 heures, je pense, qui est quand même plutôt long, le ton général du film est carrément noir, et la toute fin du film est complètement nihiliste, rien que ça. Donc, c'est pas toujours léger, léger, malgré les apparences. Et pour revenir justement à ce propos du film sur le fond, finalement, quand on y réfléchit et quand on essaie de comparer avec d'autres œuvres qui ont essayé un peu d'aborder le même genre de thématique, on se rend bien compte qu'un seul plan de Minority Report ou de Children of Men est beaucoup plus subversif en matière d'état des lieux de notre société que peut l'être 99 francs. Mais une fois de plus, je rappelle, 99 francs a au moins le mérite de bousculer ce paysage cinématographique français. Et comme je le soulevais aussi tout à l'heure, dans le fond, c'est peut-être pas le propos, le principal problème du film. C'est-à-dire que cette critique qui n'est pas radicale et jusqu'au boutiste de la société de consommation, qui s'attaque plutôt à un appel à la lucidité et à la clairvoyance, c'est peut-être pas ça vraiment le problème. Moi, je trouve que si le film ne fonctionne pas tout à fait, pas assez, c'est plus parce qu'il y a des soucis d'ordre cinématographique que politique ou idéologique qui sont dans le discours. Les excellentes prestations des comédiens sont vraiment impressionnantes, et pourtant le film ne parvient jamais à nous secouer, à nous bousculer, à nous émouvoir et vraiment à nous mettre en difficulté, à vraiment nous prendre aux tripes. C'est étonnant ça de la part de Yann Kounen, qui est pourtant assez familier du jeu avec les, enfin qui prend un peu le spectateur. Mais par. Il y a beaucoup d'agitation, ça va à 200 à l'heure et le personnage est vraiment sur des montagnes russes. À des moments il est complètement hystérique et complètement mégalo et maître du monde, et puis à d'autres moments il est complètement au fond du trou avec des envies suicidaires. Mais pourtant, on ne parvient jamais, en tout cas moi, je suis jamais parvenu à vraiment vibrer pour ce personnage. Et puis, autre critique qu'on pourrait faire à l'encontre du film, et là plutôt de retour sur le terrain des thématiques abordées, c'est ce film, tout simplement, il crache de la soupe. Des mecs qui ont travaillé dans la pub, qui parlent de la pub, c'est vrai que d'une certaine manière c'est pas forcément très crédible puisqu'ils ont participé au truc, mais en même temps c'est justement parce que c'est des gens qui ont travaillé dans la pub que le propos en est intéressant et documenté et a une certaine pertinence. Mais au final, je parlais de réconcilier film d'auteur et film de divertissement. Est-ce que ce film, justement, est-ce que 99 francs va-t-il beaucoup plus loin qu'un sympathique divertissement ou pas? Est-ce qu'il y a finalement, comme je le demandais au début de cette longue critique qui n'en finit pas et que je vais bientôt achever, rassurez-vous. Non, mais si on s'embêtait, tu aurais déjà entendu ronfler, hein, rassure-toi. Oui, mais je vois Virginie piquer du nez. Non. Est-ce que le film est à la hauteur de ses ambitions? Est-ce que il parvient à transcrire toutes ses intentions? Pas tout à fait, mais en même temps, c'est assez naturel. Si on dit vouloir s'attaquer à la société de consommation, qui a une telle emprise sur les médias, sur la culture, sur l'art et sur nos imaginaires, on imagine bien qu'il faut adopter une forme de discours à la hauteur du propos qui doit être hyper radical. Parce que vouloir dénoncer notre société capitaliste, bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même un sacré morceau du point de vue conceptuel. Donc comment être vraiment subversif et dans une rupture totale pour se rendre indigérable par le système, il n'y a pas 36 solutions. C'est faire des happenings ou faire des trucs un peu terroristes comme on le voit, comme le personnage principal le fait dans 99 francs. Donc pirater les ondes ou faire de l'affichage sauvage ou faire des interventions dans les grandes surfaces, des trucs vraiment hardcore et donc vraiment super pointu et qui relève de l'underground, qui ne toucherait peut-être que les gens avertis ou vraiment un truc super loin. Il faut choisir, ou bien on touche très fort très peu de gens, ou bien on touche un peu pas mal de gens. Voilà. Comme disait l'autre, on peut mentir 1000 fois à une personne, mais... Prends plutôt un chewing-gum. Oui. Et donc, ou alors, et c'est la solution qui a été adoptée par Yann Kounen et Frédéric Becbédé, gentiment berner ceux qui sont venus voir la nouvelle comédie de Brice de Nice, parce que fondamentalement, une grande partie du public de 99 francs, j'en suis persuadé, c'est les fans de Jean Dujardin, ça comprend beaucoup d'adolescents. Et d'adolescentes. Et d'adolescentes. Car Jean Dujardin, il aime se battre. Donc, mine de rien, c'est vrai que pour ce public-là, ce sera peut-être une sorte de petite claque. Non, rien, j'ai pas suivi, j'étais non, dans c'est mon pas truc. Grave, c'est derrière. Et donc finalement, comme on le disait, ne pas se contenter de prêcher des convertis, finalement c'est peut-être la moins mauvaise des solutions. Donc film à voir, parce que ovni total dans le cinéma français, mais à vous de vous forger votre propre opinion, soyez un consommateur averti et adulte. Absolument.